Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, qui a participé comme chef de la délégation du parti à la 18e conférence internationale des partis communistes et ouvriers tenue au Vietnam, s'est entretenu au cours de la réunion avec le secrétaire général du Parti communiste canadien, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste biélorusse, le secrétaire des relations internationales du comité central du Parti communiste sud-africain, le secrétaire général du Parti communiste jordanien, le chef du département des relations extérieures du Parti communiste d'Irak, le secrétaire général du Parti communiste israélien, le secrétaire international du Parti communiste norvégien et le membre du secrétariat international du Parti communiste populaire espagnol.